écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines sur le web à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio à Ottawa, le CHU 89.1 FM, Yellowknife, le 103.5 FM, le CVR et à Iqaluit, le CFRET, CFRT 107.3 FM. Je m'appelle Mathieu et bien sûr, je vais être avec vous pendant 60 minutes pour vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec du Agitation Propagande de leur EP Quel Combat. C'était le morceau Fier d'être rouge. Et ça, je vais continuer avec un autre groupe, bien sûr, évidemment. Je vais faire jouer un groupe que j'ai jamais fait. Je pense que c'est la première fois que je l'ai fait jouer en onde. Le groupe s'appelle Embuscade et ils ont sorti un démo l'année passée. Je vais faire jouer le morceau N'oubliez jamais. C'est un bon démo. C'est du OI Street Punk antifasciste. Très bon démo, je vais faire jouer ça et en fait c'est Embuscade, un nouveau groupe Embuscade, parce qu'il y a un autre groupe Embuscade avec un K, cette fois-ci c'est Embuscade avec un C. En tout cas, très bon, je vais jouer le morceau N'oubliez jamais. Alors voici Embuscade. Jusqu'à mon revers. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. On vient d'écouter du Défaite, un groupe lyonnais qui ont sorti un album le mois dernier, enfin, en tout cas au mois de février, leur dernier album. Apparemment, le groupe s'est séparé. C'était le morceau Oublié, une reprise du groupe Lexomil. Gerbia avança avec Lâche l'école, tiré de l'album du même titre. Du dur cœur avec J'en ai vu assez. Et on a commencé avec Embuscade et le morceau N'oubliez jamais. Là, je vais continuer la musique avec du Dim, un artiste de folk punk français de Lyon qui sera au Canada cette semaine. Il arrive au début de la semaine du 4 avril. Il va faire des shows un peu dans l'Est canadien, deux shows à Montréal le 6 et le 7 avril, un show à Drummondville, Sherbrooke, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax et un show à Toronto. Allez checker souspressionpunk.com, descendez un peu, vous allez voir toute la liste des dates qu'il va faire au Canada. Super bon gars, on fait une entrevue avec lui, ça fait une couple de mois là maintenant. Très sympathique et je vous encourage très fortement d'aller voir son show si vous pouvez aller le voir. Je vais faire jouer un morceau de son album in 1000 Inactive Brains, le morceau Résiste. C'est ça, allez checker Dim, allez checker souspressionpunk.com pour les dates de son concert de ses concerts au Canada et allez le voir si vous pouvez. Je suis certain que ça sera un vraiment bon show, faire une tournée avec le groupe Hard Up de Montréal. Alors c'est ça, voici Résiste par Dim à Sous Pression. Pour rien faire, être liberté, wow. Prêt à dormir, faut rester éveillé. Puis je te dis, il faut pas t'écouter. Être parvenir, c'est ce que je ferai. Bonjour monsieur S, nique ta mère. tout Paris entre en insurrection et Paris doit lutter contre la réaction. Étudiants, ouvriers, armez vos chasse-pots du haut des barricades, agitez vos drapeaux, les Versailles canonnent. Agitez un mouchoir au jeu du sang d'un homme. Je tiens à tuer la commune en un rouge à carnage. L'air le tombe, elle est croix dans le cimetière. À 10 contre 200, les révolutionnaires, les gardes fédérés, contre un mur sont tombés. Ne murmurant qu'un mot, le mot fraternité. Vous avez fusillé le cœur d'une révolution. Versailles, vous l'avez jeté en prison. Vous avez fusillé le cœur d'une révolution. Versailles, vous l'avez jeté en prison. Mais il reste à Paris. Reste-t-il à Paris, l'esprit des insurgés? L'hiver de la défaite devant les brusques, l'hiver de la souffrance et l'hiver de la faim. L'hiver des travaux, c'est pour les petits jeunes. Comment t'as fait rien, quand t'as fait carnage, les cartons dans la rue. Explique à tes classes, t'as les fusils et le cœur qui me révolution. Parfait, vous l'avez, j'ai bien dit non, hey. Vous avez droit d'être fier, ouais, ouais, ouais. Salut, c'était du Eric Panic de leur album Le Combat au Jardin, le morceau Welcome to Guantanamo. Les Parieurs avant ça avec Toi mon pote, Les Morts avec Évasion, du Julie Collard avant ça avec Verseilla, et on a commencé le bloc avec du Dim de son album 1000 Inactive Brains. C'était le morceau Resist, et comme j'ai dit tout à l'heure, Dim sera au Canada dans une tournée de l'Est canadien, des villes comme Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Halifax, Moncton, Fredericton, et même Toronto. Alors, allez checker souspressionpunk.com pour plus d'infos concernant sa tournée, et allez checker le voir s'il passe près de chez vous. En parlant de concert, ça vous concerne peut-être, ça vous intéresse peut-être pas, ça vous intéresse peut-être, je sais pas, pendant les prochains 2-3 mois, en ce moment, l'émission, j'enregistre l'émission à partir de Toronto. Pendant les deux ou trois prochains mois, je vais être à Ottawa. Alors, l'émission sera préparée à Ottawa. Et si vous êtes à Ottawa, vous allez peut-être me voir dans des concerts, si vous me connaissez. Dites-moi allô, ça sera super de faire connaissance et reconnaissance avec du monde que je connaissais avant. Je suis originaire d'Ottawa, alors je retourne un peu chez nous. Et ça sera super cool de pouvoir être dans la ville où je vais pouvoir m'entendre à la radio à CHU 89.1 FM. En parlant de concert, il y a un show à Ottawa que je veux mentionner, est organisé par Spectrasonic Sound, un partenaire qui travaille souvent avec CHU, qui est super cool, qui organise plein de bons concerts. Il y a un show de Anti-Flag, si vous êtes à Ottawa, le 13 mai. Vous pouvez aller les voir, c'est ça, le 13 mai au Ritual, 22$, pas pire pour un groupe, tu sais, qui est assez reconnu. Malheureusement, c'est pas tout âge, c'est 19 ans et plus, mais ça devrait quand même être bon avec les groupes Black Lungs, Audio Visceral et Pistols at Dawn. Vous pouvez aller checker spectrasonic.com pour plus d'infos. J'avoue que je suis pas vraiment la carrière de Anti-Flag. Je les ai vus une fois à Ottawa, ça fait longtemps, ça fait peut-être 15 ans de ça. C'est un bon show, Mais j'imagine qu'ils font toujours de la bonne musique. Je sais pas, ça fait un petit bout de temps que je les suis pas, mais si vous voulez aller les voir pour un peu de nostalgie, vous pouvez aussi faire ça, j'imagine. En tout cas, c'est ça. Là, je vais continuer la musique, mais avant de faire ça, je vais vous rappeler que ben c'est ceux qui écoutent à la radio que Sous Pression a un site web, souspressionpunk.com. Allez checker ça, je l'ai déjà mentionné. Facebook.com, c'est le site web Facebook. Alors, facebook.com/sous-pression. Et si vous voulez envoyer un message directement, c'est le info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Et là, je vais faire jouer le moment du bloc sono mondial. Je vais faire jouer deux chansons par un groupe qui chante à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Je vais faire jouer deux morceaux par le groupe mexicain Broken System de leur album Destruction. Je vais faire jouer le morceau Destruction et le morceau Action Directa, un groupe de punk ska mexicain. Alors, c'est ça. Voici du Broken System à sous pression. ¡Mi alrededor! c'était Broken System avec Destruction et Action Directa. Là, on continue avec du PL Mafia, un autre groupe de punk ska avec le morceau Un jour à la fois. Ce qui se passe autour, je comprends qu'il faut pas que je les fasse. Je trouve la vie tellement dure à suivre que parfois je désespère. Mes semaines sont trop courtes, tellement de choses que j'ai envie de faire. Trop de monde j'ai envie de voir, le temps file comme les cœurs. D'avoir 100 ans tellement j'ai vécu d'expérience. Je les assume complètement dans les bonnes que les plus chiantes. Quand je regarderai en arrière, je veux pouvoir dire que j'ai pas de regrets. Moi je veux profiter de la vie un jour à la fois. Je sais que chaque seconde compte, que chaque moment est important. We'll be right back.

Celui, c'était du Riot Gun avec le morceau Unified de leur album Necrophonisme. Mayday avant ça, de l'album Comme une bombe, le morceau La Rage. Je sais pas ce qui se passe avec Mayday, on dirait qu'ils ont sorti cet album-là, puis là, un peu comme disparu, on n'a rien entendu parler d'eux. Je sais pas. Je sais qu'il y a des membres du groupe qui sont impliqués avec d'autres groupes. La bassiste est membre avec The No Chaser. Peut-être d'autres groupes, je sais pas. En tout cas. Du Rix avant ça, de leur album Les Nerfs à Vif, le morceau Rapport de Force, et cet album-là, supposé de sortir ce mois-ci, au mois d'avril, alors j'ai hâte, on attend avec grande anticipation l'album de Rix. Du Brutal Chéri avec Je ne suis pas comme tous les autres, avant ça, du Bon Vivant avec leur morceau En attendant ma dose, du PL Mafia de l'album Lendemain de veille, c'était le morceau Un jour à la fois, et c'était ça, le début du bloc. Alors c'est ça, je vais vous laisser avec un dernier morceau avant de vous quitter, mais je vous souhaite une excellente semaine. Je vais vous laisser avec du Kesaka Sonora, le morceau Toile d'Orient tiré de leur album, leur seul album, Buenaventura. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Voici du Kesaka Sonora. Achab, yurid,